À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le président nigérien Muhammadu Buhari, commandant en chef des forces armées, a fait parvenir une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu. La corbeille de fleurs y a été déposée le 15 courant.